Ce troisième épisode est un petit peu plus long, mais il fallait bien ça pour pouvoir parler du livre de Tim Ferriss, l'incontournable La semaine de 4 heures. Podcast du blog moptimize.com, je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et merci de me suivre pour ce nouvel épisode. Un grand merci depuis les premiers épisodes qui ont été publiés pour tous ceux qui ont écouté, pour tous ceux qui se sont abonnés, que ce soit sur iTunes, que ce soit sur Spreaker ou que ce soit sur le blog. N'oubliez pas, il y a une newsletter sur le blog, donc si vous voulez recevoir les différents articles et les différents épisodes dans votre email, dans une newsletter, c'est possible. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est un livre. J'avais posté une photo au mois de janvier des livres que j'avais eu pour Noël, et j'avais eu @delest, Sébastien de son prénom, qui avait deviné quel serait le premier livre que j'allais lire. Et donc ce livre, c'est La semaine de 4 heures par Timothy Ferriss, qui est un livre, on va en parler tout de suite. C'est un livre très intéressant par certains côtés, qui m'a laissé un peu sur ma faim ou avec quelques questions sur d'autres, donc on va aborder tout ça. Pour commencer, c'est un livre qui est très facile à lire. C'est pas très long, c'est bien écrit, et dans la version qui est en vente actuellement, qui est une version, je dirais presque 2.0, depuis le livre qui est paru dans les années 2000, ils ont rajouté des témoignages de gens qui ont suivi les conseils qui sont dans le livre La semaine de 4 heures. Donc on a les témoignages et on a les gens qui expliquent un petit peu comment ils ont mis en place tel point et tel point du livre. Donc dans les points qui m'ont bien plu, il y a toute la partie gestion des emails où Tim Ferriss recommande de ne regarder ses emails que 2 fois par jour. Il va même jusqu'à 1 à 2 fois par semaine. Peut-être que 1 à 2 fois par semaine, c'est un peu extrême. Et encore, ça dépend de quelle boîte mail. Si c'est pour un projet bien défini, peut-être qu'une fois par semaine, ça peut suffire. Par contre, je pense que dans la vie de tous les jours et dans notre travail de tous les jours, 2 fois par jour, c'est probablement largement suffisant, parce que quand on envoie un email, on s'attend à avoir une réponse, on s'attend pas forcément à avoir une réponse dans la minute. Sinon, il existe des systèmes de messagerie instantanée, il existe le téléphone. Donc un email, ça ne sert pas à envoyer des choses urgentes. Si vraiment il y a quelque chose d'urgent, les gens vous contacteront par un autre moyen. Et Tim Ferriss propose des templates, donc un système de réponse automatique sur les emails en disant... En prévenant, je ne consulte mes emails que de temps en temps. Pour toute question urgente, merci de me contacter sur mon numéro professionnel ou sur mon numéro personnel. Voilà, donc pour les emails, c'est un très très bon conseil, un conseil classique de productivité. Le but étant d'enlever les alertes email le plus possible et essayer d'éviter d'avoir cette source de distraction qu'est l'email. C'est très bien de répondre rapidement, ça montre que vous êtes réactif, mais ça veut dire derrière que si vous répondez à un email ou si vous lisez un accusé de réception comme quoi vous avez un email, vous allez vous déconcentrer de ce que vous étiez en train de faire, et selon les études, il faut 15 à 20 minutes avant de se reconcentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous recevez beaucoup d'emails, clairement vous ne serez pas concentré sur ce que vous êtes en train de faire, et vous allez perdre du temps, perdre en productivité. Moi, ce que je conseille et éventuellement ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de consulter 2-3 fois par jour, grand maximum, une fois le matin, une fois l'après-midi. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser la technique Pomodoro ou une technique équivalente, de se bloquer un créneau de temps. Si vous voulez, tous les jours, à 10h30 ou à 11h, vous donnez un créneau d'une demi-heure pour consulter vos emails, pour les traiter. Et quand je dis traiter, ça peut être traité de 2 ou 3 façons différentes, c'est-à-dire si l'email ne vous concerne pas, vous pouvez le supprimer ou l'archiver. Si l'email, c'est quelque chose qui peut être facilement répondu, J'aime bien la règle des 2 minutes. Si ça vous prend moins de 2 minutes, vous le faites tout de suite, vous y répondez. Et comme ça, eh ben, au moins c'est fait et c'est traité. Si ça prend plus de temps, que ça doit être une tâche à part entière, notez-le vous dans la to-do list, notez-vous un délai. Éventuellement, répondez à l'email en disant « je vous réponds sous « je vous réponds d'ici demain, je vous réponds d'ici la fin de la semaine » selon la durée. Et ça vous permet voilà, de bloquer du temps pour les emails, de les traiter, le but étant de les consulter qu'une fois, de pas laisser les choses en cours dans la boîte de réception. La boîte de réception email, c'est pas une to-do list. La to-do list est vraiment fait pour ça, pour noter tout ce qui est à faire. Voilà, donc traitez vos emails, rangez-les, il y a une architecture pour vos emails et ça n'en sera que plus efficace. La deuxième chose dont parle Tim Ferriss, c'est faire gérer par des assistants virtuels ou physiques tout ce qui ne vous intéresse pas, qui vous prend beaucoup de temps et qui sera mieux fait par quelqu'un d'autre que vous, ou si c'est trop répétitif, quelque chose qui est facilement délégable. Donc là, il décrit comment il a fait appel à des assistants virtuels, il donne des exemples d'assistants virtuels possibles. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. J'avoue, j'y ai pas eu recours moi-même. Par contre, dans la philosophie, à un moment, il faut se poser la question. Toutes les choses qui sont trop répétitives, qui me plaisent pas ou ne m'intéressent pas, est-ce que ça vaudrait pas le coup de le déléguer à quelqu'un si ça revient suffisamment souvent ou si ça peut être facilement délégué, parce que si vous prenez plus de temps à former quelqu'un pour faire les choses une fois que de le faire, c'est pas du tout intéressant. Et en extrapolant un petit peu, voilà, quand vous voulez organiser une sortie avec votre femme pour un anniversaire de mariage ou quelque chose, que vous voulez réserver un restaurant, commander des fleurs, acheter un cadeau, ça peut être des choses qui peuvent être éventuellement facilement déléguées en disant ben, « je voudrais aller dans tel type de restaurant, la date c'est le temps, je voudrais commander tel type de fleurs pour tel budget », ça peut être délégué. La même chose pour vos vacances. Si vous voulez prendre le temps d'organiser vos vacances parce que vous avez le temps, parce que ça fait partie de l'expérience d'organiser ses vacances et d'anticiper la chose, faites-le vous-même. Si vous n'avez pas le temps, ou si c'est pas quelque chose qui vous plaît et qui vous intéresse, bah là faites appel à un assistant virtuel, faites appel à une agence de voyage pour programmer vos vacances selon vos désirs. Donc il faut y réfléchir avant. C'est la même chose pour chercher une maison, c'est la même chose pour beaucoup de travail, c'est la même chose pour l'amélioration à l'intérieur de votre maison ou tout ce qui est petits travaux ou gros travaux. Si c'est quelque chose qui vous plaît, vous allez le faire vous-même. Si c'est quelque chose qui vous plaît pas, à un moment il va falloir se poser la question, est-ce que ça sera pas mieux fait, plus rapidement fait par quelqu'un d'extérieur dont c'est le métier, que de le faire vous-même, que de remettre toujours ça à demain parce que c'est vraiment pas quelque chose qui vous intéresse. Voilà, donc cette question-là, ça permet de réfléchir un peu sur la façon dont on vit et dont on gère les choses. Voilà, donc moi ce livre, je trouve qu'il permet de réfléchir sur son mode de vie, de réfléchir sur le moyen d'améliorer son fonctionnement, de l'optimiser, comme le nom du blog et comme le nom du podcast. Après, les choses qui m'ont un petit peu plus gêné, elles sont sur le côté muse, trouver votre muse. C'est pas très très détaillé, c'est pas forcément très clair. Je pense que c'est quand même relativement volontaire pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Voilà, ça fait partie des choses, autant sur les emails et les assistants virtuels, c'est décrit, c'est des choses pratiques, faciles à mettre en œuvre. Autant la muse, bah, c'est plus compliqué. En même temps, pour que chacun trouve sa muse, c'est forcément beaucoup plus général et beaucoup plus vague. J'ai un autre livre que je dois lire, qui est L'élément de Ken Robinson. Je pense que les deux combinés, ça éclairera peut-être un petit peu plus sur le côté muse. L'autre élément, c'est le côté est-ce que ce qui est dit dans la semaine de 4 heures est vraiment applicable. Voilà, il faut se souvenir que la semaine de 4 heures, c'est un livre qui a été écrit dans les années 2000, que c'est quand même bonne partie liée au côté informatique, au côté créer un site web qui à l'époque était différent de ce qu'on peut faire maintenant. Voilà, maintenant même moi qui suis pas du tout informaticien, créer un site web, j'ai pu m'en sortir. C'était déjà plus compliqué dans les années 2000 jusqu'à 2010. Donc est-ce que ce qui est dit dedans est vraiment applicable de quitter son travail et de se lancer là-dedans? Voilà, j'en suis pas confiant à 100%, mais j'ai quand même entendu des exemples qui sont pas forcément que dans le livre, dans le podcast Parlons Web, qui est un podcast qui parle un peu de référencement, de choses comme ça, de gagner sa vie avec des sites web et sur Internet. Il y a quand même des gens qui disaient. Moi, après avoir lu le livre de Tim Ferriss, je me suis lancé dans l'aventure. Après, c'est des gens qui sont partis dans des pays asiatiques, probablement parce qu'ils avaient envie, mais aussi, je pense qu'il y a aussi des questions de, ça veut dire qu'au niveau du coût de la vie, pas sur la même chose qu'aux États-Unis ou qu'en Europe, et qu'à un moment où il y a besoin de déléguer, ben, des fois c'est plus pratique d'être sur place, d'être à proximité, de déléguer à des assistants qui sont pas forcément virtuels mais qui sont physiques, dans des pays où on peut trouver des gens très très compétents si c'est lié à l'informatique et avec un tarif aussi moins cher. Donc est-ce que c'est applicable? Oui, il y a des exemples. Applicable à tout le monde, c'est pas sûr. De la même façon, travailler en télétravail, oui, ça peut être applicable, mais de la même façon, c'est pas applicable à tous les travails. Je sais que moi, personnellement, c'est pas possible de travailler, de faire du télétravail dans mon domaine quand on est dans un laboratoire à travailler, à faire de la recherche. Voilà, on peut pas forcément s'absenter du laboratoire une journée fixe toutes les semaines. Voilà, donc le télétravail, pourquoi pas, ça s'applique pas forcément à tous, mais ça peut être quelque chose qu'on peut faire ponctuellement aussi. Et la dernière petite chose, la semaine de 4 heures, c'est quelque chose de très très marketing, qui permet de rappeler le mythe de la réussite facile, de la réussite à l'américaine. Quand on lit le livre et qu'on y réfléchit un petit peu, on finit par se rendre compte que ce qu'il appelle la semaine de 4 heures, c'est 4 heures à faire ce qu'il aime le moins, et avoir du temps derrière pour faire ce qui lui plaît, que ça soit productif ou pas, que ça soit générateur de revenus ou pas. Donc la semaine de 4 heures, oui, il faut quand même être clairement conscient derrière que ça veut pas dire qu'en 4 heures on a généré tous les revenus 4 heures par semaine. Tous les revenus pour vivre, à moins de vivre dans un pays et d'être prêt à faire beaucoup, beaucoup de sacrifices, ça ouvre quand même un certain nombre de perspectives sur dire, oui, je fais 4 heures par semaine de choses que j'aime un peu moins, et le reste du temps, bah, je travaille quand même, je suis productif, je suis créatif, je fais des choses qui me plaisent un peu plus. Voilà, après, si vous allez voir dans les notes de l'émission, vous aurez des liens, des articles pour certains en anglais, pour certains en français, sur le livre, sur la semaine de 4 heures, sur Tim Ferriss, des choses positives, des choses un petit peu plus négatives. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Tim Ferriss, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui a fait des livres, donc la semaine de 4 heures, The 4-Hour Body, plus sur la perdre de poids et devenir un peu surhumain, et également de 4-hour chef pour faire de la cuisine. Donc c'est des choses c'est des choses qui peuvent être à lire aussi si le personnage vous intéresse et le sujet des livres peut vous intéresser. C'est quelqu'un qui a également fait une émission télé, The Tim Ferriss Experiment. J'ai pas encore regardé, ça a l'air d'être un petit peu fou par certains côtés. C'est quelqu'un qui a aussi un podcast qui s'appelle The Tim Ferriss Show, qui est écouté par des millions de personnes. Je suis pas forcément complètement à jour sur le podcast. Par contre, il y a des choses très très intéressantes. Il interviewe des personnes plus ou moins connues pour essayer de comprendre comment ils ont fait pour réussir dans leur domaine, pour en arriver là. Et donc on a notamment Chris Sacca comme personnage, on a des gens de la Silicon Valley, on a des acteurs ou des choses comme ça, Jamie Foxx, il y a Kevin Costner, il y a un général de l'armée américaine qui est venu aussi, qui a plusieurs épisodes très très intéressants, le général Stan McChrystal. Maria Popova, qui est une blogueuse aussi très très intéressante, et également Arnold Schwarzenegger. Donc c'est des épisodes qui peuvent être très intéressants à écouter. On y apprend beaucoup de choses. Donc si vous comprenez l'anglais à l'oral en podcast, allez voir, éventuellement allez faire votre choix si la personne interviewée ou si l'épisode vous intéresse pas. C'est l'avantage d'un podcast, c'est que rien n'oblige à aller jusqu'au bout. Allez écouter, allez voir. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de lire le livre La semaine de 4 heures. Et faites-moi vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du livre? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'en ai dit? Voilà. Donc allez faire tout ça sur le blog moptimize.com dans les notes de l'émission. Je pense que ça pourra intéresser aussi les autres auditeurs. Et allez également sur le Twitter. @moptimize pour laisser vos commentaires. N'oubliez pas de partager le podcast, de partager le blog, d'aller noter dans les différents services Spreaker et iTunes le podcast également pour pouvoir le faire connaître. Et c'est donc la fin de cet épisode qui est un petit peu long, mais comme il y avait beaucoup de choses à dire, c'était avec plaisir. Donc à bientôt.